Alerte de décembre 2016. Bienvenue à l'écoute du magazine audio Alerte numéro 11 de décembre 2016, le dernier de cette année. Nous souhaitons beaucoup vous retrouver en 2017, dès le mois de janvier pour le magazine consacré aux lois de finances fiscales et sociales, et puis pour suivre l'actualité qui promet d'être très très dense à compter des élections présidentielles. Nous vous présentons maintenant les principales informations du mois en matière fiscale, juridique et sociale. Les pauses musicales sont extraites de la sonate pour piano K545 de Mozart.